Le salaire du bonheur. Écoutez. Dans ce monde de brut, où l'argent et la violence règnent en maître, où les grands patrons engrangent des bonus, des salaires, des avantages, de plus en plus indécents, un coin de voile s'est levé, démontrant que l'espoir, le sens du partage et l'intelligence ont encore un avenir sur notre belle planète bleue. Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas, disait le célèbre chef indien Geronimo. Il y a quelque temps, le livre de Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle, avait bousculé les certitudes de PDG d'Aetna, entreprise d'assurance maladie américaine, et l'avait décidé à augmenter le salaire de ses employés de plus de 10%, encourageant tous les cadres de l'entreprise à se plonger dans ce livre. Dans son livre, Piketty constatait l'explosion des inégalités, remarquant qu'il valait mieux hériter que travailler, et prônant entre autres comme solution la taxation du capital. Dans la foulée, le PDG d'Aetna s'était ouvert dans les colonnes du Wall Street Journal, « Ce n'est pas juste une histoire d'augmenter les gens, il s'agit d'un nouveau pacte social. » Décision qui ne va pas faire les affaires des grands patrons américains alors que le débat sur les inégalités salariales fait rage aux USA, pays dans lequel la rémunération moyenne des patrons a augmenté d'environ 13%. Pour autant, ce n'est pas une première. En février 2015, Walmart, un des grands de la distribution, avait augmenté le salaire de ses 500 000 employés pour un coût de plus d'un milliard de dollars, et McDonald's promet d'augmenter le salaire de ses 90 000 employés. Mais il y a mieux. Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie 2002, et Angus Deaton, économiste lui aussi, ont publié récemment une étude passionnante dans laquelle on découvre entre autres le montant du « salaire du bonheur ». En effet, elle révèle qu'à partir de 75 000 dollars annuels par ménage, gagner plus ne rend pas forcément plus heureux, ajoutant que pour ceux qui gagnent moins de 70 000 dollars annuels, une augmentation de salaire a un fort impact positif. L'étude constatait que le revenu moyen des ménages américains était de 71 500 dollars annuels en 2008, et qu'environ un tiers des ménages dépassait ce chiffre. Pour mener à bien cette étude, 450 000 réponses portant sur l'indice du bien-être se sont ajoutées à une enquête lancée par l'organisation Gallup, ciblant quotidiennement 1 000 résidents américains. Le salaire du bonheur serait donc à la hauteur de 70 000 dollars annuels. C'est ce qu'a poussé récemment Dan Price, un jeune patron américain, à partager les 90% de son salaire avec celui de ses employés. Ce fondateur de l'entreprise, Gravity Payin, installée à Seattle, ville dans laquelle le salaire minimum est déjà le plus élevé du pays, emploie 120 salariés, et ce patron de 30 ans, après avoir a donc décidé que tous les salariés de son entreprise, lui y compris, devaient toucher le même salaire, provoquant leur surprise, en déclarant le lundi 13 avril, « Ce que je veux annoncer aujourd'hui, c'est que nous allons mettre en place, avec effet immédiat, une politique salariale instituant un salaire minimum de 70 000 dollars pour toute personne travaillant ici. » Il considérait que son salaire était vraiment très élevé, 1 million de dollars, et il a donc décidé qu'il restera à 70 000 dollars jusqu'à ce que l'entreprise retrouve les niveaux de bénéfices qui existaient avant ce changement de politique salariale. Ah, bravo. La décision de Dan Price vient de provoquer dans notre pays une surprise originale. L'animateur Cyril Hanouna, évoquant cette information, avait été mis au défi par ses acolytes de l'antenne d'Europe 1 d'en faire autant. Défi que l'animateur a relevé, déclarant en direct sur l'antenne que les 90% de son salaire du mois de mai seraient partagés entre tous ceux qui œuvrent dans l'ombre pour animer son émission d'Europe 1 et 2, « Touche pas à mon poste », sur la chaîne D8. Finalement, il se serait ravisé, passant de la générosité à la promotion de son émission télévision et aurait décidé que ce seraient les 1000 premiers téléspectateurs de TPMP qui bénéficieraient des largesses de l'animateur s'il tweetait l'émission. D'ici à ce que les grands patrons français suivent l'exemple, on peut rêver sans se faire trop d'illusions, et pourtant les Français interrogés sont largement majoritaires à trouver les salaires des grands patrons indécents et à réclamer des augmentations de leurs propres salaires, sans beaucoup de résultats. Pour l'instant, chez CETA par exemple, les salariés n'ont obtenu qu'un petit 1% alors qu'ils en demandaient modestement 1,5%. on sait aussi que le patron de Renault, Carlos Ghosn, est comme chacun sait, le patron de Renault et de l'entreprise Nissan. En 2014, il a triplé sa rémunération chez Renault, et si on cumule celle-ci avec celle reçue chez Nissan, on arrive à la coquette somme de 15 millions d'euros. Pourtant, la direction se refuse à la moindre augmentation générale des salaires, salaire bloqué depuis 6 ans. Quant à Pierre Gattaz, le patron des patrons, il en demande toujours plus et n'a pas hésité pas à réclamer un salaire transitoire inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour encourager l'emploi des jeunes, tout en augmentant sa propre rémunération de près de 30%. Ce qui n'a pas empêché le nouveau ministre du Budget, Emmanuel Macron, de déclarer récemment que les Français étaient trop payés, étonnant de la part d'un homme qui a gagné 900 000 euros en 4 mois. À y regarder de plus près, qui pourrait douter qu'une augmentation conséquente du salaire des employés, liée à une diminution importante de celui des patrons, serait de nature à arranger les affaires de ces derniers. Il y a plus de 26 millions de salariés dans notre pays, et si ceux-ci se voyaient attribuer le salaire du bonheur, il y aurait largement de quoi relancer la consommation, et donc la croissance, de quoi faire la part belle aux entreprises. Pour l'instant, ils en sont loin puisque les salariés gagnent en moyenne en France 2000 euros mensuels, soit 24 000 euros annuels, bien loin des 65 000 euros considérés par l'étude américaine comme seuil du bonheur. Cette augmentation drastique serait bien sûr liée à la diminution de celle des patrons, dont on sait que la rémunération moyenne concernant ceux du comité d'administration de coordination 40 dépasse les 2 millions d'euros. En tout cas, il serait intéressant que tous les grands patrons du comité d'administration de coordination 40 lisent la fameuse étude de Kahneman, et dit-on, espérant qu'ils trouveraient un moment pour la lire, mais on peut légitimement en douter. Ils sont bien trop occupés à d'autres tâches apparemment plus rentables, et il est probable que même si leurs employés se cotisaient pour leur offrir ce drôle de rapport, ils ne le liraient pas. Cette étude pourrait aussi être offerte au président de la République, mais il est possible que la seule augmentation qui ferait plaisir à François Hollande serait probablement celle de sa cote de popularité, au plus bas depuis des lustres, et qui risque de tomber encore plus bas. Gageons que s'il prenait la courageuse décision de baisser de 90% le salaire des grands patrons des entreprises dont l'État est majoritaire dans le capital, en augmentant parallèlement le salaire des salariés, il pourrait bien gagner quelques points en popularité, et s'il décidait de limiter le salaire des députés et des sénateurs au salaire moyen français, soit 2000 euros, il glanerait quelques points supplémentaires, et pourquoi pas l'appliquer aussi aux ministres qui bon en mal en coûte. Avec leurs conseillers, et les primes, 85 millions d'euros. Mais où est passé François Hollande, celui qui déclarait en 2012 « Je serai le président de la fin des privilèges ». Restons dans le monde politique et faisons un tour dans le parti d'extrême droite, le FN, pour découvrir que les valeurs de ses élus ne sont pas très glorieuses. On se souvient qu'à peine élus, deux maires FN avaient décidé d'augmenter généreusement leur salaire. Mais il y a mieux. Le conflit politique et familial qui a mis récemment le feu au FN débouche sur un aspect moins médiatisé, celui de l'argent du parti pour lequel père et fille sont manifestement prêts à aller à la castagne. Ajoutons pour la bonne bouche que la décision des députés de s'octroyer des avantages supplémentaires en cas de défaite électorale, doublement de la durée de leur indemnisation, a été décidée unanimement. FN y compris, lui qui prétendait avoir la tête haute et les mains propres. Force est donc de constater qu'il y a toujours en politique beaucoup de distance entre les paroles et la réalité. Comme dit mon vieil ami africain, le singe qui monte au cocotier doit avoir le cul propre. Merci aux internautes de leur aide précieuse. Vous écoutez les infos de Radio Parasite. Grosse bise numérique.